Section 33 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 7, quatrième partie, La guerre des deux roses, par Charles Bémont. Cette guerre, qui sévit avec les intermittences plus ou moins longues pendant un quart de siècle, passa par deux phases essentielles. Elle arma d'abord, comme au temps de Henri III et d'Édouard II, une partie de la noblesse contre les ministres du roi. C'était en apparence une ligue du bien public. Elle perdit promptement ce caractère et devint une guerre de succession où les deux maisons royales du York et de Lancastre se disputèrent le trône. En tout cas, elle ne mit aux prises que des personnes, non des principes, et si elle compromit le pays entier, elle n'ébranla qu'une seule classe, la noblesse. Elle fut la dernière des guerres féodales qui ait agité l'Angleterre. La féodalité princière. Au milieu du XVe siècle, la noblesse occupait le premier rang dans la société comme dans l'État. Le clergé n'avait rien perdu de ses richesses, mais son rôle politique était fini. Les classes moyennes étaient représentées au Parlement. Mais là, les députés de la petite noblesse provinciale comptaient seuls pour quelque chose. Ceux des villes étaient relégués à un rang si humble que l'histoire en parle à peine. À la tête de la noblesse se trouvaient les princes du sang, descendants d'Édouard III, Richard, deuxième duc de York, et le neveu du cardinal de Beaufort, Edmund, deuxième duc de Somerset. Puis venaient les chefs des grandes familles titrées, qui n'avaient cessé de croître en richesse et en puissance depuis Édouard III. Empressés à servir à prix d'argent des rois belliqueux et magnifiques dans leur guerre continentale, elle avait pris peu à peu des mœurs soldatesques, à la fois raffinées et brutales. Malgré les défenses réitérées, au XIIIe siècle et plus tard, d'élever sans autorisation des châteaux forts, les grands avaient pris l'habitude de créneler leur principale résidence. Derrière leurs murailles, ils avaient réuni des vassaux, des sergents, des valets qu'ils habillaient de livrées à leurs armoiries, et qu'au besoin ils armaient. Ces serviteurs, aux gages et à la livrée du maître, n'obéissaient qu'à lui. À son tour, il les soutenait de tout son crédit à la cour et devant les tribunaux. Sa recommandation assurait leur impunité. Il semblait qu'on fût retombé au pire temps de la féodalité, sans le roi et sans l'Église. Cette organisation nouvelle de l'anarchie était d'autant plus grosse de péril que les grands seigneurs étaient devenus plus puissants. Quelques-uns n'étaient guère plus que des soldats de fortune, comme Lord Cromwell, un des plus actifs instruments de la chute de Suffolk, ou comme Sir John Falstolf, le prototype du Falstaff de Shakespeare. D'autres, au contraire, par de riches alliances et une habile politique, avaient réussi à concentrer sous leur domination d'immenses bienfonds. Les possessions territoriales des ducs de Lancastre n'avaient pas peu contribué à l'avènement de la nouvelle dynastie et permirent aux partisans de Henri VI de prolonger la résistance au-delà des limites possibles à une royauté réduite au seul revenu de la couronne. De même, la maison de York pourra, pendant plusieurs années, faire les frais de la guerre civile avec ses ressources patrimoniales et celles de ses alliés. La plus prodigieuse fortune fut faite par la famille de Neville. Sous Henri III, elle ne tenait encore qu'une place modeste dans les comtés du Nord. Mais pendant quatre générations de riches mariages la placèrent au premier rang, le Neville qui commandait les Anglais quand ils repoussèrent l'invasion écossaise en 1346 à Neville's Cross, possédait 70 manoirs. Il pouvait conduire au service du roi jusqu'en Bretagne 300 hommes d'armes et 300 archers. Son petit-fils Ralph fut créé comte de Westmoreland par Richard II. Cela ne l'empêcha pas d'être un grand partisan des Lancastres, qui ne furent pas ingrats. Ce Ralph eut 23 enfants et sut les établir presque tous d'une façon avantageuse. En seconde noce, il avait épousé Jeanne de Beaufort, fille de Jean de Grand. Une de ses filles épousa Richard, duc de York. D'autres furent mariées au duc de Norfolk, au duc de Buckingham, au comte de Northumberland. Un de ses fils, Richard, épousa l'héritière du comté de Salisbury. Au Parlement, assemblé dans les premières années de Henri VI, il comptait un petit-fils, trois fils et cinq gendres. C'est-à-dire qu'il y avait 10 Neville ou alliés des Neville dans une chambre des lords qui, à cette époque, comprenait au plus 35 pairs laïcs. Enfin, le fils de Richard de Salisbury épousa Anne Beauchamp et dans son héritage trouva le comté de Warwick. Il avait 21 ans quand ce titre lui fut reconnu par lettre patente, 1449. C'est lui qui fut le trop fameux faiseur de roi. Impuissance du Parlement et du roi, Jack Cade. À cette puissante noblesse qui se préparait à la guerre civile en pratiquant la guerre privée sans scrupule et sans frein, quel obstacle pouvait être opposé? Légalement, c'était le roi et le Parlement, mais le Parlement était sans force, car les élections étaient faites sous la surveillance et au besoin d'après les ordres des grands seigneurs. Les shérifs, qui présidaient les cours de comté où les élections avaient lieu, appartenaient eux-mêmes à la noblesse, dont ils avaient les passions et les mœurs. Ils ne se gênaient pas pour nommer eux-mêmes les députés agréables à leur parti. En outre, la guerre civile partagea le pays en deux factions à peu près égales. Il fallait donc peu d'efforts aux vainqueurs pour obtenir des votes favorables, et aucun des adversaires ne se fit le moindre scrupule de les obtenir à ce prix. Aussi, quand on crut bon de réunir le Parlement, celui-ci fut-il toujours le serviteur complaisant de la fortune. Quant au roi, que pouvait-il faire? Henri VI était bon, pieux, chaste, honnête, instruit, mais débile de corps et faible d'esprit. Il portait le poids d'un lourd passé. Si l'on oublie un moment la tâche de leur origine, les rois lancastriens méritent cet éloge d'avoir observé fidèlement la Constitution nationale, dans sa lettre et dans son esprit. Mais ils ne surent ou ne purent jamais maintenir l'ordre à l'intérieur. Là est la vraie cause de leur chute. Les progrès accomplis par le régime parlementaire, et dont on leur a fait honneur, sont la preuve de leur faiblesse. Ils accordaient beaucoup, on osa de plus en plus contre eux. Après le meurtre impuni de Suffolk, ses partisans étaient restés au pouvoir. Les gens de Kent se soulevèrent et mirent à leur tête un aventurier irlandais, Jack Cade, qui se faisait passer pour un fils naturel d'Edmund Mortimer, comte de March. Il eut bientôt avec lui 30 000 hommes. Il les mena jusqu'à Londres, où ils commirent de grands excès. Il suffit pour les disperser d'un échec au pont de Londres et d'une promesse d'amnistie. Mais ils avaient demandé que Richard York fût mis à la tête du gouvernement et par là désigné le ministre populaire. Rivalité de York et de Somerset. Richard avait alors 40 ans. Il s'était acquis en France le renom d'un brave soldat et d'un administrateur habile. À ce moment, il était lieutenant du roi en Irlande et avait su s'y faire aimer. Mais il était là comme un exil, loin de la cour et du conseil. Il désirait succéder à Suffolk, et, quittant l'Irlande sans même en demander la permission, il vint trouver le roi à Londres avec une armée et lui remit une pétition tendant à organiser un meilleur gouvernement. On lui promit une place dans le conseil, mais le pouvoir fut donné au duc de Somerset, choix fort impolitique, car Somerset, chargé de défendre la Normandie, n'avait pu empêcher la conquête de cette province par les Français, 1450. Cet insuccès avait par avance ruiné son prestige, aussi quand l'année suivante les revers en Guyenne vinrent s'ajouter à ceux de Normandie, Richard crut-il le moment favorable pour reprendre les armes. Cette fois encore, il se laissa duper, croyant que Somerset allait être arrêté et contraint à justifier ses actes. Il licencia ses gens et vint trouver le roi dans sa tente. Il y trouva Somerset aussi en faveur que jamais. On n'osa pas cependant frapper l'opposition dans la personne de ce chef à la fois audacieux et irrésolu. On se contenta de lui demander le serment d'allégeance, puis une amnistie générale fut proclamée, 1452. Elle ne pouvait contenter personne. En 1453, un triple événement se produisit qui ouvrit la voie à de nouveaux conflits. La perte définitive de la Guyenne, bataille de Castillon, 3 juillet, compromis sans retour l'autorité royale aux yeux du peuple. Au même moment, le roi, dont le cerveau n'avait jamais été sain, qui avait hérité de la maladie de son aïeul Charles VI, devint tout à fait fou, et il fallut songer à établir une régence. Serait-elle donnée à la mère, l'énergique mais détestée Marguerite d'Anjou, ou bien au duc de York, le plus proche héritier du trône, tant que le roi n'aurait pas d'enfant? Or, cet enfant, un fils, naquit le 13 octobre, et Richard, perdant tout espoir d'arriver légalement au trône, ne recula plus devant l'idée de s'en emparer par la force. Le duc d'York, protecteur. L'occasion qu'il attendait tarda à se présenter. Membre du conseil qui expédiait les affaires générales du royaume durant la maladie du roi, il fit arrêter Somerset, puis fut nommé protecteur du royaume, chargé de défendre le pays contre les ennemis du dehors et contre les rebelles de l'intérieur s'il y en avait. Le 27 mars, 1454. Son administration fut active et énergique, mais elle dura peu, car à la fin de l'année, le roi recouvra la raison. Aussitôt, Somerset fut remis en liberté et reconquit tout son pouvoir. Richard prit alors les armes pour la troisième fois. Salisbury et Warwick vinrent le rejoindre. Ils rencontrèrent l'armée royale barricadée dans les maisons de Saint-Alban, et après une escarmouche d'une demi-heure, la mirent en déroute. Il y eut peu de sang répandu, les Lancastriens ne perdirent que 120 hommes, mais Somerset fut tué pendant l'action, le 22 mai 1455. Les vainqueurs se rendirent devant le roi en lui demandant un pardon qu'il ne pouvait leur refuser et ils rentrèrent tous à Londres en triomphe. La conduite d'York fut déclarée bonne et loyale par le Parlement et les principales charges de l'État leur furent distribuées. York fut nommé connétable et Warwick capitaine général de Calais. Enfin, après une rechute du roi, Richard fut nommé une seconde fois protecteur, encore pour quelques mois seulement, novembre à février. Car ensuite les choses furent rétablies dans une situation régulière, du moins en apparence. Mais la mort de Somerset avait découvert la personne même du roi, qui maintenant allait être directement menacée. Le duc de York prétend à la couronne. La cour essaya de détourner l'orage dans des conférences tenues à Londres, février 1458. Les deux parties se réconcilièrent et le jour de l'Annonciation, 25 mars, qui était le premier jour de l'année civile, une grande procession approcha les chefs ennemis. Derrière le roi marchèrent la reine, donnant la main à Richard de York, le nouveau duc de Somerset à Salisbury, le duc d'Exeter à Warwick. Ces âmes violentes où l'ambition n'avait pas étouffé les scrupules d'une religion superstitieuse étaient peut-être sincères dans ces brusques revirements, mais elles ne pouvaient pardonner longtemps. Une querelle mit aux prises des gens de Warwick et ceux du roi. Le comte, suspect de trahison, s'enfuit à Calais, puis alla rejoindre à Ludlow le duc de York, qui se souleva pour la quatrième fois. On vit alors que la royauté n'avait pas encore perdu tout prestige, puisque une promesse d'amnistie à tous ceux qui abandonneraient les rebelles suffit pour jeter la défection dans le parti des princes. Il ne resta plus à ceux-ci qu'à se retirer. York avec son fils cadet en Irlande, Warwick avec le fils aîné de Richard à Calais. Un parlement assemblé à Coventry, mars 1459, les décréta d'arrestation. Mais ils étaient en sûreté et bientôt ils reparurent. Warwick, accueilli avec joie par le peuple, entra dans Londres et défit l'armée royale à Northampton. Le roi même fut fait prisonnier, 10 juillet 1460. Richard d'York arriva à son tour et, enhardi par la victoire, il fit comme avait fait Henri IV 60 ans auparavant. Il éleva les prétentions au trône. Ses raisons étaient toutes différentes. Henri s'était soulevé contre le mauvais gouvernement du dernier Plantagenet et le Parlement lui avait donné le pouvoir comme au plus digne. Richard prétendit que ses droits à la couronne étaient supérieurs à ceux de Henri VI, car si par les mâles il descendait du plus jeune fils d'Édouard III, par les femmes il remontait à Lionel, duc de Clarence, fils aîné du même prince. Henri VI, descendant seulement du troisième fils, occupait donc une place usurpée. Le droit de la naissance l'emporterait-il sur le choix par la nation? Un tableau généalogique aurait-il plus de poids que le mérite personnel? La plupart des nobles n'osèrent se prononcer et quittèrent le Parlement. Les légistes consultés ne surent que dire et renvoyèrent la cause au roi lui-même. On trouva enfin un compromis. Richard VI continuerait de régner, car c'était à lui qu'avaient été prêtés les serments d'allégeance. Mais à sa mort, Richard lui succéderait par droit de naissance. La maison de Lancastre, rose rouge, abdiquait devant la maison de York, rose blanche. Édouard IV s'empare du trône. On pouvait tout oser avec un roi débile et prisonnier. On ne pouvait rien sur la reine, femme de cœur et d'énergie, qui ne voulait souffrir la spoliation de son fils. Doit-on l'en blâmer? Faut-il épouser les querelles de ses adversaires qui lui attribuaient des revers dont pourtant elle n'était pas la cause? Admirons plutôt la constance qu'elle montra dans la mauvaise fortune et l'héroïsme qu'elle déploya pendant 10 ans d'une des plus furieuses guerres qu'on eût encore vues. À l'aide de contingents levés dans les régions septentrionales de l'Angleterre, où les guerres écossaises avaient développé, avec le goût des armes, un redoutable appétit pour le pillage et le meurtre, elle marcha contre le duc de York, qui fut défait et tué avec le comte de Salisbury, père de Warwick, à la bataille de Wakefield, 30 décembre 1460. Sa tête, couronnée de papier en signe de dérision, fut clouée au mur de York. Le second fils de Richard, fait prisonnier, fut froidement égorgé après le combat. Warwick s'avança pour arrêter la marche du vainqueur. Il fut vaincu à la seconde journée de Saint-Alban et le roi fut délivré, 17 février 1461. Mais Marguerite, craignant l'indiscipline de ses propres troupes, n'osa pousser jusqu'à Londres. Édouard, comte de March, fils aîné de Richard d'York et le faiseur de roi, y entrèrent sans résistance, et le jeune prince, il avait 18 ans, y prit délibérément la couronne en vertu de son droit héréditaire. Les lords, c'est-à-dire quelques partisans de la rose blanche, ratifièrent cet acte. Il constituait un précédent constitutionnel des plus graves, car il n'y avait eu ni élection ni approbation parlementaire. Le roi était légitime du moment où il produisait un titre certain, et c'est ainsi qu'Édouard IV justifia son usurpation, 4 mars. Il l'a fermé par des victoires à Towton, où les Lancastriens perdirent plus de 20 000 morts, 29 mars 1461, à Hedgley Moor, où Percy fut tué, le 25 avril 1464, enfin à Hexham, où Somerset fut pris le 8 mai. Ce dernier fut décapité sur le champ avec plusieurs autres. C'était une guerre inexpiable. Trahison de Warwick. On attendait beaucoup du nouveau roi. Il était beau et séduisant. Il paraissait résolu à régner par lui-même et à combattre le désordre. Il ne réalisa cependant qu'en partie les espérances qu'on avait fondées sur lui. Ses manières gracieuses le rendirent populaire, surtout dans les comtés du sud et de l'est, où la rose blanche avait toujours rencontré les concours les plus actifs. Et cette popularité fut son plus ferme appui. Il en était d'autres encore qu'il devait ménager, et tout d'abord celui de Warwick, qui, plus qu'aucun autre, avait contribué à le faire roi, mais il n'était pas homme à se mettre en tutelle. À la suite d'une aventure à moitié romanesque, il avait épousé, 1464, Elizabeth Woodville, veuve de Sir John Grey, qui avait été tuée à la seconde bataille de Saint-Alban. Elle était de petite noblesse et l'on fut médiocrement satisfait à la cour de voir le roi comblé d'honneur, les parents de la nouvelle reine. Son père, Lord Rivers, fut créé comte, Lord Trésorier et connétable. Ses frères, ses sœurs, mariés dans les plus riches maisons du royaume, son fils aîné, Thomas Grey, fiancé à l'héritière du duc d'Exeter, qui avait été promise d'abord au neveu de Warwick. En même temps, Édouard IV s'opposait au mariage de son frère cadet, le duc de Clarence, avec une des filles du faiseur de roi. Il semblait vouloir poser des bornes à l'énorme pouvoir du comte. Il n'avait peut-être pas tort, mais c'était jouer très gros jeu. Blessé dans ses intérêts de famille, Warwick éprouva bientôt d'autres dégoûts. Il avait été envoyé en France pour traiter de la paix avec Louis XI, mai 1467. Il fut très bien accueilli et ramena avec lui des ambassadeurs chargés de continuer sur les bords de la Tamise des négociations heureusement commencées sur les bords de la Seine. Mais pendant son absence, Édouard traita avec le duc de Bourgogne. Et quand Warwick revint, il s'aperçut qu'on l'avait joué. Le mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite de York, sœur d'Édouard IV, 1468, lui prouva que le roi avait adopté une politique précisément contraire à la sienne. Il ne convenait ni à son orgueil, ni à son rang, ni à ses services de jouer un rôle effacé, et comme l'honneur, le respect de la foi jurée étaient des vertus oubliées de son temps. Il ne craignit pas de conspirer la perte du souverain dont il avait assuré le triomphe. Il attira dans son parti le duc de Clarence en lui promettant la couronne et en lui donnant en mariage sa fille aînée Isabelle. Puis ils prirent les armes. Repoussés une première fois, ils se réfugièrent sur le continent, où Louis XI réussit à réconcilier Warwick avec Marguerite d'Anjou. Il fut convenu que le vainqueur de Saint-Alban et de Towton s'efforcerait de restaurer Henri VI. S'il réussissait, sa seconde fille épouserait le prince de Galles. Alliance monstrueuse, mais dont le XVe siècle a donné plus d'un exemple. Édouard IV, renversé et restauré. Warwick et Clarence débarquèrent en Angleterre au moment où Édouard IV les attendait le moins. Ils s'étaient fait de nombreux ennemis qui aidèrent l'entreprise des traîtres. Abandonné par les siens, il s'enfuit et alla chercher asile auprès de son beau-frère, le duc de Bourgogne, octobre 1470. Henri VI fut rétabli. C'était avec l'argent de Louis XI que Warwick avait réussi. C'est avec l'argent du téméraire qu'Édouard prit sa revanche. Le 14 mars 1471, il arrivait à Ravenspur, au lieu même où Henri de Lancastre avait abordé en 1399. Tout d'abord, il déclara hypocritement qu'il ne demandait que son titre et son duché de York. Dans York, il abjura même toute prétention à la couronne. Puis il marcha vers Londres. Warwick vint lui barrer la route à Coventry, mais Clarence, le trahissant à son tour, passa au camp d'Édouard avec une partie de l'armée. Warwick battit alors en retraite, découvrant Londres, où Édouard entra sans combat, et où il s'empressa de reprendre le titre royal. Warwick, campé près de Barnet, prétendait couper les communications du roi avec les comtés de l'Est, où les partisans de la Rose Blanche étaient puissants. Édouard marcha contre lui et le défit complètement. Deux corps de l'armée de Warwick s'étant rencontrés dans le brouillard et s'étant pris pour des troupes ennemies, il s'en était suivi un irréparable désordre. Le faiseur de roi et son frère furent tués dans la mêlée. Les vainqueurs ne firent aucun quartier. 14 avril. Le même jour, Marguerite d'Anjou débarquait à Weymouth. Elle ne put dépasser Tewkesbury. Rejointe par l'armée de York, elle y fut vaincue, 4 mai. Elle-même tomba aux mains de l'ennemi. Son fils fut pris et égorgé de sang-froid. Le duc de Somerset et 14 de ses partisans réfugiés dans la baie en furent tirés, sous promesse d'avoir la vie sauve et décapités le lendemain. Quant au malheureux Henri VI, prisonnier une fois de plus, il mourut peu après, à la tour, très probablement pour les ordres du vainqueur, 21 mai. Paisible gouvernement d'Édouard IV. Tout ce sang versé permit enfin à Édouard IV de régner en paix, sauf en 1475 où il conduisit une expédition en France et en 1482. Où il eut à repousser une invasion écossaise. Il n'eut plus de guerre à faire. Seul son frère Clarence lui causa encore des ennuis. À la mort de Charles le Téméraire, Clarence, qui était veuf, chercha la main de Marie de Bourgogne. Le roi s'opposa résolument à un mariage qui eût fait du traître Clarence un des plus puissants princes de la chrétienté. Puis, pour se mettre à jamais à l'abri de ses intrigues, il l'accusa lui-même de haute trahison devant la Chambre des Pairs, qui le condamna à mort. Clarence fut exécuté peu après, 18 février 1478. La légende raconte qu'il demanda à être noyé dans un tonneau de vin de Malvoisie. L'ordre général ne fut pas autrement troublé. À la faveur de ce calme relatif, les finances de l'État se rétablirent. Édouard encouragea le commerce. Il se fit même marchand pour son propre compte et devint très riche, ce qui lui permit de se livrer à ses plaisirs sans rien demander au Parlement. Il rendit la justice rigoureuse et parla même bienfaisante. Enfin, on lui a fait honneur de plusieurs mesures qui, reprises plus tard par Henri VII, permirent à celui-ci de restaurer l'autorité royale en Angleterre. Cependant, Édouard IV ne fonda rien parce qu'il n'aimait du pouvoir que ses jouissances matérielles. Il mourut prématurément de ses excès, 9 avril 1483. Il avait à peine 41 ans et il laissait ses enfants en proie aux factions qu'il n'avait pas su réduire à l'impuissance. Richard de Gloucester. Des 9 enfants que lui avait donné sa femme, 6 vivaient encore. L'aînée était une fille, Elisabeth, âgée de 17 ans à la mort de son père. Mais les 2 fils, Édouard et Richard, étaient à peine adolescents, ayant l'un 13 ans, l'autre 9. Le roi défunt avait désigné pour tuteur son frère Richard, duc de Gloucester. Le choix paraissait excellent. Né en 1452, le 11e de 12 enfants, Richard était resté longtemps petit et grêle, une atrophie du bras gauche, l'estropia pour la vie, mais il avait la prestance noble et la belle figure de ses frères. Seulement, ses lèvres minces et son regard dur annonçaient une âme sèche et un caractère impérieux. Il servit Édouard IV avec une fidélité qu'aucun revers ne put altérer. Il combattit à Barnet, à Tewkesbury. Il commanda l'armée anglaise dans la guerre d'Écosse et fit partout preuve de grand talent militaire. C'était aussi un administrateur énergique et clairvoyant. Il eût pu rendre les plus grands services à l'Angleterre s'il avait su se contenter du second rang. Mais il était dévoré d'ambition et d'envie. Il cachait ses passions sous un masque d'hypocrisie presque impénétrable. Et il eut si bien l'art de paraître poussé par les circonstances qu'il en a imposé à la postérité. Aujourd'hui encore, on dispute sur les crimes qui l'ont conduit au pouvoir, mais il a su en jouir si à propos qu'on ne peut croire qu'il n'ait pas aidé à la fortune. Le petit roi était à Ludlow quand Édouard IV mourut. Les parents de sa mère, au milieu desquels il vivait, le menèrent à Londres. Gloucester s'empressa de venir l'y retrouver. À Northampton, il rencontra le duc de Buckingham, qui, par sa naissance, sa mère était une Somerset, était l'ennemi des York, mais qui détestait les Woodville et tout l'entourage du roi. Ils purent donc s'entendre pour frapper ceux-ci, le comte Rivers et Lord Grey, accusés de vouloir usurper le pouvoir et opprimer la vieille noblesse, furent mis en prison malgré les pleurs du roi et décapités 2 mois après. C'est accompagné de Gloucester et de Buckingham qu'Edward V fit son entrée à Londres 4 mai. Gloucester, nommé protecteur, fut établi sur les marches mêmes du trône où tant d'autres avant lui avait essayé de s'asseoir par la force, quelques-uns avec succès. La reine douairière s'empressa de se réfugier avec ses autres enfants dans le monastère de Westminster, qui lui offrait un asile inviolable. Elle ne se méfia cependant pas assez, puisqu'elle se laissa persuader de livrer son fils cadet pour qu'il fût réuni à son frère. La tour de Londres fut donnée pour résidence aux enfants d'Édouard. Il ne devait plus en sortir. Richard usurpe la couronne. Gloucester ourdissait en effet de nouvelles trames. Un prédicateur évidemment inspiré par lui, le docteur Shaw, le nom de ses dévots complaisants, appartient à l'histoire. Entrepris de prouver devant le peuple de la cité que ses enfants, les propres neveux du protecteur, étaient illégitimes. Le peuple l'écoutait froidement, mais le maire et les aldermen, sollicités de donner leur avis, trouvèrent que ces observations ne manquaient pas de justesse. 24 juin. Le Parlement, assemblé le 25 juin, approuva les arguments présentés pour prouver que le mariage d'Édouard IV était nul. Premier, comme obtenu par sa sorcellerie. Deuxième, parce que, au moment où Édouard avait épousé Élisabeth, il était engagé par contrat envers une autre femme. Ses enfants étaient donc bâtards et par conséquent incapables de régner. Quant aux enfants de Clarence, on leur opposait l'indignité de leur père, qui avait subi la peine des traîtres. La couronne revenait donc de droit à Gloucester. Il la prit sans retard, le 26 juin, mais les enfants d'Édouard le gênaient. Il savait que le peuple de Londres s'intéressait à leur sort. Il fit courir le bruit d'une conspiration ourdie pour les délivrer. On ne tarda pas à savoir qu'ils étaient morts. Ils avaient été sans doute étouffés sous leur oreiller pendant le sommeil. Ils furent ensuite enterrés sous un escalier. C'est là qu'on retrouva leur squelette 2 siècles plus tard. On dit que depuis ce moment, le remords ne cessa d'agiter l'âme de Richard III, mais cela ne se vit pas. Les événements lui permirent de frapper un dernier coup. L'audace avec laquelle il poussait sa fortune et les crimes qu'on lui imputait éloignèrent de lui Buckingham, qui se souvint un peu tard qu'il était Lancastre. On projeta de marier Élisabeth, fille aînée d'Édouard IV, avec le jeune comte de Richemont, Henri Tudor, allié lui aussi aux Lancastres, puisque sa mère était une Somerset et que son aïeule, Catherine de France, avait eu pour premier mari Henri V. Bientôt, une révolte éclata dans plusieurs comtés de l'Angleterre à la fois, octobre. Surpris un instant, Richard la déjoua par son activité. La tête des rebelles fut mise à prix. Buckingham, livré au roi, fut décapité, 2 mai. Les autres chefs s'enfuirent. Ceux compris furent exécutés sur le champ. Maintenant, Richard III pouvait se croire vraiment roi. Il crut affermir encore son trône en traitant avec la reine douairière, qui consentit à recevoir de l'argent de lui. La réconciliation fut poussée même au point qu'on parla d'un mariage entre Richard, veuf depuis peu, et sa nièce, Élisabeth. Le cri public fit échouer ce monstrueux projet. Richard III, vaincu et tué à Bosworth. Cependant, Richemont était en sûreté sur le continent, d'abord auprès du duc de Bretagne, puis à la cour de Charles VIII. Après de longues et pénibles négociations, il obtint du gouvernement de France des subsides qui lui permirent de réunir une petite armée avec laquelle il prit la mer à Honfleur. Il aborda en Galles, à Milford Haven, non loin des terres possédées par sa famille, 1er août 1485. Il avait peu de troupes, mais la défection promise de certains amis de Richard le poussait en avant. En effet, Lord Stanley, qui avait épousé la mère de Richmond, veuve d'Edmund Tudor, et son frère, Sir William, passèrent avec leurs troupes au camp ennemi le jour même de la bataille de Bosworth. Quand Richard se vit trahi et se sentit perdu, il se jeta bravement, couronne en tête, au plus épais de la mêlée. Il y trouva une mort digne de ses premiers exploits, 22 août. Henri, proclamé roi sur le champ de bataille, épousa peu de temps après Elizabeth York, déjà promise à tant de prétendants, et par la fusion des deux familles, mit fin à la guerre des deux roses. Conséquences sociales et politiques de la guerre des deux roses. La conséquence la plus évidente de la guerre civile fut la ruine de la haute noblesse. Elle fut noyée dans le sang. Les familles princières issues d'Édouard III disparurent entièrement. Les autres furent décimées ou dépouillées. Warwick a été parfois appelé le dernier des barons. Édouard IV confisqua les biens de ses ennemis avec une rigueur dont il n'y avait pas eu d'exemple depuis la conquête normande. Cette noblesse avait peut-être mérité son sort, mais sa destruction rendit possible l'établissement du régime despotique par les Tudors. Les classes inférieures ont-elles également souffert de la guerre? Évidemment, les ravages commis par les troupes lancastriennes, surtout au midi de la Trent, ont été funestes aux campagnes et aux villes sans défense. D'autre part, il est certain que dans le dernier quart de siècle, l'agriculture était en pleine décadence. Le sol, épuisé par plusieurs siècles de culture imprévoyante, suffisait à peine à nourrir ses habitants. La surface des terres labourables s'amoindrissait chaque année par la transformation de ces terres en pâturage et par l'habitude prise par les grands propriétaires d'enclore leur domaine au détriment même des terres communales. Dire avec Rogers que le XVe siècle fut l'âge d'or de l'agriculture anglaise et donc un excès de langage. Pourtant, les faits incontestables prouvent qu'à cette même époque, l'aisance ou même la richesse étaient loin d'être inconnues en Angleterre. Les salaires des ouvriers de la campagne restèrent très élevés pendant tout le XVe siècle. Le prix du sel doubla en 100 ans, ce qui prouve qu'on faisait de plus grandes provisions de viande salée et qu'on en mangeait davantage, car ces viandes étaient la base même de l'alimentation anglaise pendant 7 mois de l'année en moyenne. Les maisons de briques commencèrent à paraître à la fin du règne d'Édouard IV, ce qui était un notable progrès sur les huttes en bois et en torchis de l'âge précédent. on construisit un grand nombre de vastes églises dans toutes les variétés de ce que les Anglais appellent le style perpendiculaire. Si beaucoup de petites villes s'appauvrirent, d'autres s'enrichirent, comme Londres, York, Norwich, Bristol, Coventry. Si l'agriculture souffrait, les manufactures étaient prospères. Les métiers à tisser la laine se répandaient dans les campagnes, et c'est la diffusion de cette industrie rémunératrice qui explique à la fois la rareté de la main-d'œuvre pour les travaux des champs et le haut prix des salaires. Les testaments des bourgeois nous permettent de reconstituer le milieu dans lequel vivaient les plus riches d'entre eux, le luxe dont ils s'entouraient. Édouard IV reçut chez tel drapier enrichi une hospitalité royale. Le rez-de-chaussée de la demeure était carrelé avec soin au lieu d'être en terre battue. La vaisselle était somptueuse, les lits couverts de riches étoffes, mais il n'y en avait que deux pour les maîtres du logis. Il ne faudrait donc pas rendre trop sombre le tableau de l'Angleterre au lendemain de Bosworth. La guerre des deux roses affecta surtout une classe. Elle entrava peut-être, mais n'arrêta pas le développement général de la nation. Fin du Moyen Âge anglais. D'autre part, elle marque la fin d'une époque. Avec l'avènement des Tudors, le Moyen Âge est fini. Pendant 3 siècles, la lutte entre les classes de la nation, unie contre l'omnipotence royale, avait été le pivot autour duquel avait évolué l'histoire intérieure du pays. Cette lutte est finie maintenant, puisque le clergé s'est retiré de la vie politique, que la noblesse est épuisée et que les classes moyennes sont parlant même privées de direction et d'appui. Le Parlement ne représente plus la nation, car les élections ne sont pas libres. Un acte de 1406 avait essayé de limiter l'action personnelle du shérif et resta lettre morte. En outre, le droit de vote fut restreint en 1430 aux seules personnes possédant une terre libre, freehold, d'un revenu annuel d'au moins 40 shillings. Enfin, comme on l'a vu, les villes désignées pour députés au Parlement étaient choisies au hasard et sans autorité. Depuis longtemps, les parlements n'étaient plus annuels. Pendant les 25 années que dura la dynastie d'York, 7 seulement furent convoqués, et chacun d'eux ne dura que quelques semaines. Cependant, la royauté n'avait cessé de s'appauvrir depuis Richard II. Le grand jurisconsulte lancastrien Sir John Fortescue s'en plaint à plusieurs reprises. Édouard IV y remédia en levant les impôts forcés, mal déguisés sous l'euphémisme de bénévolence qui devait avoir une si longue et si triste fortune. Aidé du conseil privé que peuplaient ses créateurs, le roi gouverna réellement en maître, ne conservant de l'ancien régime que la forme extérieure. L'antique liberté, liberté étrange, issue de l'anarchie et fondée sur le privilège, n'était plus qu'un souvenir. Au beau temps du Moyen Âge, le clergé avait dominé par ses lumières, son esprit d'indépendance, sa charité. Or, ces lumières avaient singulièrement pâli. Après Wycliffe, on n'y eut plus de grands théologiens. Pendant que les universités d'Oxford et de Cambridge s'enrichissaient par la création de nombreux collèges, les études y étaient en décadence. Et l'on peut dire que l'influence morale du clergé anglais fut nulle au grand concile de Bâle et de Constance. D'ailleurs, il surveillait avec un zèle inquiet l'orthodoxie de ses membres. Un prélat honnête et instruit, Reginald Peacock, évêque de Chichester, ayant enseigné qu'il fallait ramener les Lollards hérétiques par la persuasion plutôt que par la force, déclarait que la Bible était l'unique règle de la foi et répondu « Pfff, pfff !» à qui lui alléguait l'autorité des pères de l'Église, fut condamné en 1457, contraint d'abjurer ses erreurs, dégradé 1459 et enfermé pour le reste de sa vie dans un monastère. En se ralentissant ainsi dans la poursuite de la vérité et de la liberté, le clergé manquait à son devoir envers lui-même Il manquait à son devoir envers les autres en négligeant l'enseignement dans les écoles et la charité envers les pauvres. L'assistance publique retomba surtout sur les guildes, et déjà au XVe siècle, l'État s'en mêle. L'Église, sans le savoir, creusait ainsi de ses propres mains l'abîme où elle sera précipitée au siècle suivant. C'est donc la banqueroute des anciennes classes dirigeantes. L'idéal politique et religieux disparaît en même temps que l'idéal militaire. Aussi le niveau intellectuel et moral de la nation ne cesse-t-il de descendre sous les règnes des Lancastre et des York. Au milieu du siècle, la riche littérature latine est épuisée. La féconde tradition des chroniqueurs monastiques s'arrête avec Henri VI. Pour le règne d'Édouard IV, nous n'avons que de maigres chroniques en langue vulgaire, et les lacunes de leurs récits sont énormes. La jeune littérature anglaise qui avait pris un essor si plein de promesses, avec Langland, Gower et Chaucer, ne produit plus rien de notable. Car les seuls poètes dont le nom mérite d'être cité, John Lydgate et Thomas Occleve, n'ont fait que versifier, sans originalité de pensée ni de style, les vies de saints, les légendes romanesques d'origine française, des dissertations politiques d'origine cléricale. Les premiers souffles de la Renaissance avaient à peine effleuré l'Angleterre quand Henri VII ramassa la couronne dans un buisson près de Bosworth. L'imprimerie fut introduite à Londres par William Caxton seulement en 1477. Et les premiers livres sortis des presses du célèbre imprimeur n'annonçaient en rien les temps nouveaux. Pour avoir dépensé toute son énergie dans les guerres chimériques et dans des révolutions stériles, l'Angleterre s'était laissée devancer par les États continentaux dans tous les domaines de l'activité intellectuelle. Quant aux mœurs, elles étaient également grossières dans toutes les classes. On a vu à l'œuvre la déloyauté, la férocité, l'indifférence devant le sang versé comme devant la parole violée. Fortescue, l'ingénieux et savant auteur de Laudibus Legum Angliae, du Governance of England, était certainement un honnête homme. Précepteur du jeune prince de Galles, fils de Henri VI, il resta fidèle au parti de Lancastre jusqu'aux suprêmes défaites, et fut pris à la bataille de Tewkesbury. Comme il avait écrit divers traités contre les prétentions d'Édouard IV au trône, il fut exilé et ses biens confisqués. Il ne put supporter ce revers, et pour rentrer en grâce, il rétracta formellement tout ce que ses écrits contenaient d'offensant pour le nouveau maître. Édouard, qui était parfois son prince, lui pardonna. Qu'on juge les autres d'après lui. Et si l'on veut mesurer les progrès accomplis par l'immoralité publique, qu'on le compare à Gascogne, le chef juge de Henri IV. Les lettres de Paston, en apprenant longue sur la grossièreté de la vie publique et privée, elles nous montrent que le principal mobile qui faisait agir les gens de la classe moyenne était l'appétit de l'argent, comme c'était l'appétit du pouvoir pour la noblesse. L'Angleterre du XIIe au XIVe avait été surtout une nation agricole. À partir du XVe, elle devint une nation industrielle et commerçante. Ainsi, les moules de l'ancienne société éclataient de toutes parts, et c'était à une nouvelle dynastie qu'allait incomber la lourde charge de lui donner une forme nouvelle. Fin de la section 33. Lu par Sandra, près de Montréal, en 2023.